3. Cependant, l'effet moral espéré avait été obtenu. La France qui dort ne demande qu'à s'éveiller. Le passage victorieux de Jean d'Harcourt à travers l'Avranchin produisit un enthousiasme plein d'étonnement et de joie. C'était la patrie morte qui donnait signe de vie. De tous côtés, des bandes armées se levèrent. Quand ces nouvelles parvinrent à la cour du roi enfant, Henri VI, le duc de Bedford jugea du premier coup d'œil que le Mont-Saint-Michel était le pied, la racine même, de cette recrudescence inattendue. À tout prix, il fallait se rendre maître du Mont-Saint-Michel. La force des armes avait jailli jusqu'alors à cet assaut. Bedford se résolut à employer la ruse et la traîtrise. Cela le fit tout naturellement songer à Robert Jolivet, qu'il venait de nommer son garde des Sceaux. Robert Jolivet, questionné au sujet du Mont, répondit que l'ayant fortifié lui-même, il en connaissait les extraordinaires capacités de résistance. Il n'y avait pour s'en emparer que deux moyens, la famine ou des intelligences qu'on se ménagerait dans la place. Bedford trouva l'un et l'autre moyen bon et les employa tous les deux. Nous parlerons d'abord du blocus, pour lequel se firent des préparatifs formidables. La garnison d'Avranches fut renforcée et mise sous le commandement de Thomas Borrow, écuyer, qui avait à l'intérieur 40 gendarmes à cheval, 20 à pied, 120 archers à cheval, 60 à pied, sans compter les compagnies vivant sur la campagne. À Ardevon, une bastille fut élevée avec deux lignes de défense. De l'autre côté d'Avranches, on éleva aussi des forts à Genet et à Saint-Léonard. Tomblaine, commandé par Laurence Holden, avait toute une armée. Quiconque connaît la situation du Mont comprendra qu'il était enserré désormais dans une prison d'acier, d'autant qu'une flotte anglaise fermait la baie. Une étroite ouverture subsistait encore pourtant vers la Bretagne, où les peuples restaient dévots à l'archange. Ce fut par cette porte que Jean Gonod engagea à Dinan et à Saint-Malo ce qui restait d'argenterie, obtenant en échange canons, couleuvrines, arbalestes et autres artilleries. Pour ces canons, Charles VII expédia de Touraine 720 livres de salpêtre fin, 60 livres de soufre, 1 000 000 de traits et 50 pelotons de fil d'arbalète. Nous étions bien pauvres. Et notez que ce fut juste à ce moment que s'entama le siège proprement dit. Le premier grand assaut par terre et par mer eut lieu en cette année 1423. Il avait été précédé d'innombrables combats qui se renouvelaient, on peut le dire, tous les jours. Selon le manuscrit numéro 5696 de la Bibliothèque nationale, le principal effort de l'assaut eut lieu par mer et dura tout un jour. On ne connaît aucun détail de cette violente mêlée qui a laissé pourtant sa trace profonde dans les traditions du pays. La flotte anglaise, probablement par hasard, avait attaqué le jour de la fête de l'archange. Au moment où les défenseurs du Mont allaient peut-être succomber sous le nombre, une effroyable tempête s'éleva. Saint-Michel combattait. Un livre médiocrement catholique, l'Histoire populaire de France, semble constater ce fait d'apparence miraculeuse, non seulement dans son texte, mais encore dans ses gravures, où l'on voit les vaisseaux anglais détruit par une tempête attribuée à la colère de l'archange. L'esprit céleste apparaît au milieu des nuages, plein de foudre, et menace de son épée flamboyante les navires désemparés qui s'engloutissent dans les flots, tandis que la sainte montagne, dominant le péril de la mer, se dresse avec fierté dans un rayon de lumière surnaturelle. Du côté de la terre, les Anglais avaient été rejetés en bas des murailles avec des pertes si considérables qu'ils se retirèrent pour un temps complètement découragés. Ils craignaient une diversion décisive de Jean d'Harcourt et ne seraient peut-être jamais revenus si ce vaillant capitaine n'eût trouvé la mort, 1424, à la bataille de Verneuil. Cette mort fut un coup de partie pour Bedford qui fit passer le détroit à une armée nouvelle de 12 000 hommes commandé par tout ce que l'Angleterre comptait de grands hommes de guerre, Lord Scales, Sir John Falstaff, Lancelot de Lille, Montgomery, dont nous verrons plus tard les héritiers huguenots acharnés encore contre la montagne catholique, etc. Lord Scales partageait le commandement en chef avec les comtes de Suffolk et de Salisbury. La petite cour de Charles VII était pendant ce temps rongée de dissensions, dont, par bonheur, nous n'avons point à nous occuper. Le roi voulut pourtant rester fidèle à sa promesse de ne donner pour chef à la sainte forteresse qu'un prince de sa parenté. Il choisit Dunois, qui, vaillamment occupé au-delà de la Loire, désigna pour son suppléant un chevalier, déjà serviteur de l'abbaye, Nicole Pénel, seigneur de Bricqueville. En outre, Dunois, sur ses ressources personnelles, fournit au monde de nouvelles provisions de bouche et de guerre. Il était temps que vint pareil secours, car le plus cruel ennemi de Saint-Michel allait entrer en ligne de bataille. Nous voulons parler du traître Robert Jolivet. Certains écrivains, d'ailleurs très recommandables, n'ont pas craint de plaider la cause de ce malheureux homme en disant que son adresse sauvegardait peut-être l'intérêt éventuel de l'abbaye en cas de victoire définitive des Anglais. N'est-ce pas là méconnaître étrangement le dessein de Dieu et le rôle de Saint-Michel ? À travers la belle histoire du dévouement des moines, il n'est en vérité pas bon de faire intervenir comme circonstance atténuante d'une forfaiture la laideur de ce petit argument qu'on nomme l'intérêt. Robert Jolivet, répondant à son maître Bedford, avait fourni deux moyens de réduire le sanctuaire, la famine et les négociations. Lisez la trahison. Ces deux moyens avaient été employés déjà. Robert Jolivet vint avec le titre de commissaire du roi d'Angleterre pour les reprendre en sous-œuvre en y appliquant toute son habileté et subtilité. Il resserra le blocus, augmenta les garnisons, rappela dans la baie une flotte avec des marinos expérimentés et négocia. Ce n'était pas son coup d'essai. Dès 1423, il avait conféré avec les Bretons touchant grosse besogne en l'honneur, bien et profit du roi anglais. Et l'on devine qu'il s'agissait de compléter l'investissement du mont du côté de la Bretagne. En 1425, on le voit employer pour le même objet d'abord Thomas Montin, puis maître Jean Mauger, puis Raoul Roussel, docteur S. Loi et S. Décret, conseiller, maître des requêtes du roi et du régent, qui prend l'entreprise à forfait. Non content de ces intrigues, l'abbé Félon essaya d'introduire un de ses affidés dans l'enceinte même du sanctuaire. Nous tirons le détail assurément curieux de cette tentative du procès-verbal de la visite de l'évêque Jean insérée aux archives de la Manche. On vit arriver un jour par la grève, au milieu des escarmouches qui se renouvelaient quotidiennement, un évêque et sa suite. À la porte, l'évêque demanda l'abbé de Séan, et sur la réponse qui lui fut faite que l'abbé ne résidoit point, il requit son vicaire. Jean Gonod se présenta, demandant à son tour qui était le personnage. Réponse, Jean évêque in partibus des... Le lieu n'est point dit. Cet évêque Jean est très dévot à Saint-Michel et commissaire de son collègue d'Avranches qui le délègue à la visite du monastère. N'y a-t-il point quelque jeune moine à qui il puisse conférer la tonsure ou les ordres mineurs? Nous avons pour ce bulle du pape, réplique Jean Gonod. Certes, mais vu l'absence de votre abbé, objecte l'évêque Jean, souffrez que pour cette fois j'accomplisse ici ma charge épiscopale. Jean Gonod savait que Robert Jolivet était à Avranches et perçait à jour les intentions de l'évêque in partibus qui fut introduit en cérémonie dans la basilique et reconduit de même jusqu'à la grève sans avoir pu séduire personne ni se rendre aucun compte de l'état de la place. À la même source et dans les comptes du même Robert Suireau, on trouve 1000 écus d'or ordonnancés à Thomas Borrow, capitaine d'Avranches, pour payer certaines promesses et convenances relatives à la reddition de la ville du Mont-Saint-Michel. Il y eut encore d'autres et nombreuses menées, mais toutes échouèrent contre la loyauté des moines, il fallut recourir aux armes. Les Anglais étaient prêts, Robert Jolivet avait tout organisé le long de la côte avec un véritable talent d'homme de guerre. On le voit, et les dates sont dans les archives, passé le 21 avril, la revue des recrues angloises qui arrivait à force faire le 8 mai l'inspection des navires à Regneville, dénombrer le 13 juin les soldats de la retenue de Suffolk, selon Pierre Suiro, le duc de Bedford dépensa autour du mont 191 403 livres et 15 sols tournois jetés par les fenêtres, dit un manuscrit. Si cette somme qui représente plus d'un million et demi semble assez modique, on peut la décupler en songeant que les Anglois prenaient à toute chose l'espée à la main et payaient surtout en estocade. Les combats redoublèrent et se régularisèrent à la fin de cet été, et le siège fut à peine interrompu par l'hiver. Les moines passent pour y avoir payé de leur personne, en certains cas extrêmes, c'est peut-être vraisemblable, mais nous n'en avons trouvé la preuve nulle part. Ce qui est prouvé, c'est qu'ils s'exposaient à découvert en réparant les brèches, et ne reculaient point alors devant la nécessité de se défendre. Ils faisaient en outre très activement le guet et arrière-guet, pour qu'aucun soldat ne pût déserter la bataille. Au commencement de 1425, les vivres se faisaient rares et les fatigues grandes, une aventure arriva qui rehaussa le cœur de la garnison. Nicole Pennel, le lieutenant de Dunois, avait conservé quelques communications avec ce Jean de la Haye, baron de Coulons, que nous avons vu si bien faire au combat de la Broussinière et qui commandait la garnison de Mayenne-la-Juelle, dans le Bas-Maine. Ils échangeaient leurs rapports à l'aide de prêtres voyageurs ou de femmes qui bravaient tout pour accomplir un pèlerinage rendu plus précieux par le danger. À la faveur d'un brouillard d'avril, un de ses émissaires arriva au mont, portant avis que si les défenseurs de Saint-Michel voulaient tenter une sortie à tel jour convenu, le baron de Coulons, avec sa garnison, déboucherait à point par la marche de Bretagne et tomberait sur les derrières des Anglais. Ce qui fut accepté et l'émissaire renvoyé dans le Maine. Or, ces accords manquent souvent par défaut d'entente dans les mouvements. Mais ici, tout marcha comme à souhait. Au matin du jour fixé, les gendarmes du mont sortirent selon la coutume pour proposer l'escarmouche. D'Ardevon aussitôt et de Pontorson, les Anglais accoururent, le jeu s'anima si bien que l'affaire prenait tournure de petite bataille où l'avantage ne semblait point être pour ceux de l'archange. Aussi reculaient-ils comme gens qui en ont assez. Mais tout à coup, passant au long des champs, sous Ardevon, ils s'arrêtèrent et firent volte-face. Au même moment, la terre trembla sous les pas des chevaux et un nuage monta d'où partaient de grands cris. C'était le baron de Coulons qui arrivait à point au rendez-vous. Les Anglais se battirent bravement et furent secourus d'Ardevon comme d'Avenches, mais 200 restèrent sur le sable, sans compter les prisonniers, parmi lesquels était Nicolas Burdett, le capitaine de la Bastille. Celle-ci, forteresse assez considérable, qui pouvait loger plus de 300 hommes avec leurs chevaux, fut ruinée et brûlée. Robert Jolivet prit cela comme un échec personnel et jura d'avoir raison de ses moines. Au lieu de relever Ardevon, il renforça Tomblaine et Pontorson qui fermaient la mer et donna l'ordre à sa flotte de barrer la baie comme une digue. Ce n'était plus la petite escadre d'autrefois. Jolivet avait fait comprendre enfin à Bedford toute l'importance du mont et l'on prenait les grands moyens pour le réduire. Parmi le nombre des bâtiments rassemblés, les chroniqueurs citent la nef de Richard Power, écuyer, les vaisseaux de Guillaume Brest, Vautier Benoît et Denis Bayet, tous trois de Rouen, la Ourcq, le Christophe, venu d'Allemagne, avec deux Lamans, pilotes, et 40 marinos, la Marie, commandée par Richard Roux. Il y avait en outre la Trinité, la Gorge, le Thomas, le Vessel, et beaucoup d'autres embarcations, entre lesquelles une barge de Southampton portait à elle seule 13 hommes d'armes et 66 archers, outre ses matelots. L'abbé Félon avait ici trouvé le vrai joint. Ses navires bouchaient le chemin de Bretagne, le seul par où vivres et munitions pussent arriver aux assiégés. La disette fut bientôt terrible au-dedans des murailles, où l'on n'avait plus ni de quoi vivre, ni de quoi se battre. Jean Gonod, dont le courage était à l'épreuve, dépêcha plusieurs émissaires qui tous furent interceptés, mais enfin un dernier courrier traversa les sables et parvint à Dole, d'où il gagna aisément Saint-Malo. L'évêque de cette vieille ville, ennemi des Anglais, s'appelait Montfort, comme les ducs, mais l'amiral de la flotte Malouine portait un nom que l'avenir devait faire plus illustre encore, c'était Briand de Chateaubriand, sire de Beaufort, l'ancêtre du grand pèlerin de Paris à Jérusalem, qui poussa de nos jours le premier cri de foi après le règne de l'idolâtrie révolutionnaire. L'évêque et l'amiral étaient tous les deux solidement dévoués à l'archange, dont le patronage s'étend sur toute la côte bretonne. Il fut décidé que l'on irait sur l'heure au secours de Saint-Michel. Briand de Chateaubriand appela ses parents et amis, Montaubeau, Combourg, Couëtquen, Kerouent, Tinténiac, La Bellière, La Vieuville. On arma toutes les nefs, toutes les galères, tous les baleiniers du port. Les meilleures épées briguèrent à l'envi l'honneur de monter sur cette flotte qui portait presque une croisade, et l'on partit avec l'image de Saint-Michel arborée à la corne de chaque navire en guise de pavillon. Ces voiles, enflées par le vent du divin secours, furent aperçues d'abord par les sentinelles veillant sur les remparts, puis bientôt soldats et moines, agenouillés pêle-mêle, élevèrent jusqu'au ciel le grand cri de leur reconnaissance. Peut-être les Anglais entendirent-ils cette clameur d'allégresse. Ils crurent rêver sans doute en voyant cette cohue de voiles qui se précipitait vers eux, merveilleuse comme la tempête sous l'effort de laquelle la précédente flotte avait sombré. Ce sanctuaire était-il donc vraiment défendu par une force supérieure à la malice des hommes? La flotte chevaleresque arriva et attaqua les vaisseaux anglais qui étaient plus gros et plus nombreux, à la vue des gens du mont, rangés comme des spectateurs au balcon de leurs murailles. Bertrand d'Argentré dit que le combat fut à peau et à lance de feu, à coups de hache et de toutes armes. Don Huyn ajoute, les Anglais se défendirent vaillamment, néanmoins, les Bretons cramponnèrent leurs vaisseaux sur lesquels ils montèrent par force avec le cordage, et venus au combat main à main, en tuèrent la plupart, et ceux du fort d'Ardevon se sauvèrent à la suite. Ce fut par le fait une bien autre victoire que celle de Jean de Coulonc. Les Malouins débarquèrent des vivres, des munitions, et la place se trouva largement ravitaillée. Les Anglais se tinrent pour battus et restèrent plusieurs mois sans revenir. Durant ce répit, Robert Jolivet, assez piteusement, s'en retourna à Paris, où il reçut 50 livres, en sus de ses gages, pour sa peine. Bon prix, car si l'on en croit les commentateurs de l'Évangile qui estiment les monnaies juives au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était à peu près exactement la valeur des 30 deniers de Judas. Nicolas Pénel, le lieutenant de Dunois, était un bon chevalier, mais ses mœurs ne convenaient pas tout à fait à la sainteté du lieu angélique. Il fut déchargé de sa capitainerie par lettres closes, escriptes en parchemin, saines et entières, et adressées le 3 août 1425 aux moines du Mont Saint-Michel eux-mêmes. Son successeur fut Jean, seigneur de Graville, maître des arbalétriers de France, auquel succéda celui qui a été appelé par Charles VII lui-même le second Jean d'Harcourt, Loïs d'Estourteville, son cher et féal cousin, conseiller et chambellan. Nous avons déjà parlé de lui sous son nom de sire d'Aussebusque. 4. Louis d'Estouteville était du sang d'Harcourt par sa mère. Sa femme, Jeanne Pénel, avait pour père le bon chevalier Nicole. Les trois familles qui défendirent en ce temps le sanctuaire de Saint-Michel étaient donc étroitement alliées. Estouteville était un des plus riches seigneurs de l'époque, mais son père, fait prisonnier par les Anglais en défendant Harfleur, avait promis rançon de 20 000 couronnes d'or. Louis, dont tous les biens étaient aux mains de l'ennemi, donna son épée à l'archange, baptisa son fils premier-né, Michel, et eut confiance. Les lettres patentes qu'il appelle au commandement sont du 2 septembre 1425, données à Poitiers en présence du roi de la Roanne de Sicile et du sire de Giac, alors ministre. Ce fut le duc Guesclin de ce temps, le grand Breton Richemont, frère du duc Jean V, qui reçut le serment du nouveau capitaine. Estouteville arriva au Mont le 19 octobre, à la tête d'une suite nombreuse, commandée par un noble homme de sa maison. Il prit pour lieutenant Jean Pennel, frère de Nicole, et eut quelques difficultés d'installation, aplanies par le roi lui-même, dont les lettres du 3 décembre donnent glorieuse satisfaction à ces religieux et honnêtes hommes du Moustier de Saint-Michel, déclarant que la dicte place a été seule préservée et gardée au pays de Normandie par les dictes religieux. Louis d'Estouteville savait très bien que le répit procuré par la victoire navale des Bretons ne serait pas de longue durée. Il lui fallait de l'argent pour augmenter les défenses de la place et il usa du droit de battre monnaie accordé au Mont dès 1420. On travailla fort et ferme, dit Thomas le Roi, on adjusta des tours entre les autres, des demi-lunes, et l'on fit le portail comme il se voit à présent avec le pont-levis de la ville et le logis au-dessus. Pour payer ces travaux et aussi pour acheter au pays de Bretagne les provisions nécessaires, Jean Gonod dut engager à Dole et ailleurs calices, ornements, crosses, mitres, encensoirs, autrement eussent convenu bailler la dite place en la main des Anglais. Ceux-ci étaient toujours établis le long de la côte et inquiétaient si fort les travailleurs que Louis d'Estouteville jugea indispensable de frapper un grand coup. « Cesse-toi vers la Toussaint. » Nos gens, après s'être recommandés à Dieu, allèrent tête baissée sur ceux qui estoient sortis de Tombelaine et les menèrent si mal que ceux du dedans furent contraints de venir à l'aide. Mais les nôstres, renforçant leurs bras et leurs valeurs, mirent presque toute la troupe à mort, jonchant la grève de leurs cadavres. Au milieu de cette victoire, quelques défenseurs du Mont, tous bretons, car nous allons voir de plus en plus les gens de ce pays venir à la rescousse de la France, furent faits prisonniers pour s'être trop avancés à la poursuite des fuyards, nonobstant quoi l'échec des Anglais fut si sanglant et si complet qu'il amena un nouveau répit pendant lequel Estouteville put bâtir entièrement la grosse tour qui regarde Avranches et qu'on nomme la tour Boucle. Cependant arriva un fait qui n'était point de guerre et qui causa de grands embarras. Nous avons dit que beaucoup d'églises et monastères avaient placé leurs trésors à l'abri derrière les remparts inexpugnables du Mont Saint-Michel. Le bruit que l'abbaye avait mis en gage son argenterie s'était répandu dans le pays, une panique courut les maisons religieuses. Il fut dit que dans son extrême besoin, Estouteville avait fait main basse sur de saints dépôts, et de toutes parts on réclama les objets confiés. Il nous reste le procès-verbal de la remise du trésor de Bayeux aux envoyés du chapitre de cette cathédrale. On leur rendit, le 15 avril 1426, trois châsses remplies de reliques et vases sacrés, mais il manquait plusieurs pièces très saintes et très précieuses. Alors les moines déclarèrent qu'ils étaient opposés de toute leur force à l'impiété que le gouverneur voulait commettre. Revêtus de leurs habits sacerdotaux, ils avaient fait une procession suivie d'une messe pour implorer la miséricorde des saints dont on allait profaner les reliques. Leurs efforts n'avaient pu empêcher qu'une partie du mal. Louis d'Estouteville, pris à partie, s'engagea personnellement à restituer les objets dont il avait disposé pour le service du roi, mais son cas fut taxé de sacrilège, et l'échec considérable qu'il subit peu de temps après, le seul dont il soit fait mention dans la longue période des sièges, passa pour une punition du ciel. Voici quelle fut l'aventure. Les Anglais avaient pris et ravagé le Mans, qui appartenait au gendre du duc de Bretagne, lequel, dans sa rancune, avisa son frère Richemont qu'il était prêt à favoriser ses mouvements. Aussitôt le connétable se mit en campagne, longeant la frontière bretonne pour entrer en Basse-Normandie. Il emporta d'assaut Pontorson et marcha sur Saint-James de Beuvron où 700 hommes, commandés par Nicolas Burdett, le vaincu d'Ardevon, tenaient garnison. L'armée du connétable se composait des arrière-bancs Manceaux, Angevins et Normands, misérablement équipés et manquant du nécessaire. Pendant que, avec ses vieux gendarmes bretons, il était en train d'enlever Saint-James, un combat s'engagea par méprise entre divers corps de recrues françaises, qui furent saisis de panique et se débandèrent. Une sortie des assiégés compléta la déroute, et le connétable ne put rallier quelques fuyards que sous les murs d'Entrain. Richemont n'ayant plus d'armée, Burdett reprit Pontorson sans coup férir, et Jean de La Haye, baron de Coulonce, celui-là même qui l'avait si rudement mené à Ardevon, eut fantaisie de troubler son facile triomphe. Il se rendit au Mont-Saint-Michel, où il fut décidé entre Estouteville et lui qu'on tenterait de surprendre Burdette dans Pontorson. Mais les Anglais ont toujours d'excellents espions. À moitié route, il fallait traverser la rivière de Guintre, alors gonflée par les pluies, et Burdette, averti, s'était embusqué sur l'autre bord. L'attaque eut lieu comme les gens de Saint-Michel étaient encore dans l'eau. Le baron de Coulonce fut tué au premier choc et Jean de Bréauté fait prisonnier. Il y eut beaucoup de morts. Aucun historien moderne ne raconte cette expédition dont le triste résultat fut attribué au peu de respect qu'on avait eu pour les choses saintes pendant le dernier siège. Le manuscrit où nous puisons et dont l'auteur rapporte ces choses en homme qui les a vues place la défaite de la Guintre au jeudi absolu, c'est-à-dire au jeudi saint de l'année 1427, nouveau style. La rançon du sire de Bréauté fut réglée à 2000 écus d'or. Dans la basilique du Mont-Saint-Michel, jadis, était une litre sur laquelle se voyait une série d'écussons et de noms. Elle existe encore, endommagée et presque effacée. Cette litre a embarrassé les historiens par sa date, 1427. On a cherché la raison de cette date, qui devait être un fait du siège ou une bataille. Ceux qui cherchaient ainsi ne trouvaient ni l'un ni l'autre. Je demande, sans rien affirmer, si la bataille en vain cherchée n'est pas ce funeste combat de la Guintre, qui eut lieu dans des conditions de désavantage si terribles, et dans lequel, par conséquent, durent tomber plus de nobles hommes peut-être que pendant toute la durée du siège. Quoi qu'il en soit, un chapitre de Don Huyn donne les noms de plusieurs gentilshommes qui défendirent cette place. On en compte ordinairement 122, y compris le roi. 99 seulement restaient déchiffrables sur la litre ou les litres au XVIIe siècle, et nous allons les inscrire en notes telles qu'ils étaient alignés au-dessus du cartouche, placé selon l'apparence après coup, contenant la pièce de verre qui commençait ainsi. Le champ d'armes ici fut fait l'an 1427, où sont les armes et les noms d'aucuns vaillants et nobles hommes, lesquels ont en l'obéissance de Charles, présent roi de France, jusque-ci tenu cette place par l'aide de Dieu et la grâce et de Monseigneur Saint-Michel, prince des chevaliers du ciel. Avec cette liste générale et les listes particulières que nous avons données au cours du récit, le compte des défenseurs de l'abbaye jusqu'à la date de 1427 sera aussi exact et complet que possible. Nous devons faire observer que le champ d'armes, déjà presque effacé en 1661, fut repeint à neuf. Il y eut, au dire de Don le Roi, des noms introduits par faveur, et l'auteur des Souvenirs de la marquise de Créqui va jusqu'à raconter qu'un Anglais proposa de payer pour y faire inscrire son nom. Selon nous, à son origine, ce champ d'armes fut un simple ex-voto, placé dans cette partie du transept où est la chapelle de Notre-Dame en expiation du manque de respect envers les choses saintes qui avaient été suivies d'un si dur châtiment.